Ce sont des objets purement théoriques qui font fantasmer depuis belle lurette des générations d'écrivains et de lecteurs de science-fiction et sur lesquels les astrophysiciens continuent de se casser les dents. Les trous de ver, ces points de jonction entre deux zones de l'espace-temps, à moins que ce soit des passerelles entre des univers différents, pourquoi insister à faire de la recherche sur ces objets qui sont pourtant toujours hautement spéculatifs? Eh bien parce qu'ils n'en sont pas moins des solutions aux équations de la relativité générale d'Einstein et parce qu'ils restent toujours certainement au fond du cœur des physiciens l'espoir de découvrir la porte des étoiles. Trous de ver, la porte des étoiles, ce sont les étranges objets que nous allons examiner dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces objets que vous allez voir aussi étranges que fascinants, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, en cette belle journée printanière, Monica Guica. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicienne à l'Institut de physique théorique du CEA et Éric Gourgouillon, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire Univers et Théorie de l'Observatoire de Paris et vous pouvez suivre, et bien comme chaque jour, vous en avez l'habitude maintenant, cette émission sur les ondes de France Culture et en parallèle, et ça peut être utile aujourd'hui parce que on va manipuler des objets, des théories assez complexes pour avoir quelques graphiques, quelques visualisations, quelques études également, et bien ça se retrouve sur le fil Twitter de notre émission @laméthodefc. Alors si vous avez déjà entendu parler des trous noirs, certainement, mais que vous n'avez peut-être aucune idée de ce que peut être un trou de ver, peut-être alors avez-vous déjà entendu ce type d'explication qui a été reprise dans de nombreux films. Écoutez. Imaginez une minute que cette feuille de papier représente l'espace-temps. Et vous voulez aller du point A, ici, au point B, là. Et maintenant, quelle est la distance la plus courte d'un point à un autre? Une ligne droite. Non, c'est faux. La distance la plus courte entre deux points, c'est zéro, grâce au passage dimensionnel. Il crée une pliure de l'espace, de sorte que le point A et le point B coexistent dans le même espace-temps. Et après, quand notre vaisseau traverse le passage dimensionnel, l'espace revient à la normale. Alors voilà, c'est une explication avec toujours un peu ce charabia scientifique qui caractérise les films de science-fiction. En l'occurrence, ce film que vous venez d'entendre, c'est un extrait de Event Horizon, qui est un remake très libre du Solaris de Tarkovsky en 97. Alors qu'est-ce que c'est que ces trous de ver? Est-ce que c'est effectivement une pliure de l'espace-temps? Comment vous les définiriez l'un et l'autre, Éric Gourgouillon? Oui, ben effectivement, on peut dire qu'un trou de ver, c'est une structure de l'espace-temps qui permet de relier deux régions assez distantes par ailleurs. C'est une déformation de l'espace-temps. C'est issu en fait de la relativité générale où l'espace-temps acquiert une structure déformable, une structure qui peut être modifiée mais modelable, contrairement à ce qui préexistait avant Einstein, où l'espace-temps est une structure très rigide. Donc il n'y avait pas du tout question de trou de ver dans l'espace-temps pré-relativiste. Mais avec Einstein, c'est devenu possible, effectivement. Monica Guica, comment est-ce que vous définiriez-vous un trou de ver ? Oui, je le définirais comme une... c'est un espace-temps, donc ça doit obéir aux équations d'Einstein, peut-être avec de la matière exotique. On en reparlera, oui. Et qui relie soit deux points du même espace-temps, soit deux univers différents. Ce serait donc une forme de passage, on l'a bien compris. Alors, on va essayer de manipuler tous ces objets théoriques. Ce qu'il faut bien comprendre, peut-être, la différence, en termes en tout cas de relativité générale par rapport aux équations d'Einstein, c'est que si un trou noir et un trou de ver sont deux solutions aux équations d'Einstein, il y en a un qui était une solution beaucoup plus concrète et l'autre qui est une solution beaucoup plus hypothétique, Éric Gourgouillon. Oui, effectivement. Les trous noirs aujourd'hui sont des solutions qu'on observe dans le ciel, on va dire. Il y a ce qu'on appelle les trous noirs astrophysiques. On a beaucoup de preuves, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Par contre, les trous de ver, c'est des solutions plus hypothétiques dans le sens où on n'en observe pas. On n'a pas d'objet aujourd'hui dans l'univers dont on pourrait dire, tiens, c'est peut-être un trou de ver. Donc, de ce point de vue-là, ce sont des objets purement théoriques. Mais néanmoins, les deux sont liés puisque historiquement, les trous de ver sont apparus, comme on les appelait au départ, des ponts d'Einstein-Rosen. C'est apparu comme des structures à l'intérieur des trous. trou noir. Et donc, il y avait un trou de verre qu'on ne peut pas traverser. On discutera sûrement tout à l'heure du problème de passer par un trou de verre ou pas. Les premiers trous de verre, historiquement, ont été découverts par Einstein et son étudiant Nathan Rosen en 1935. Et c'était des structures à l'intérieur des trous noirs. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que avant Einstein-Rosen, il y a des solutions qui... Les premières solutions, elles sont données en 1916 par Karl Schwarzschild, qui lui... résout les équations d'Einstein en disant ces équations donnent un trou noir, et Einstein n'y croit pas du tout à ces trous noirs au départ. Il croit pas trop à l'aspect trou noir, mais effectivement il a cru tout de suite, et la solution de Schwarzschild, ça il l'a reconnu. Schwarzschild a obtenu la première solution exacte non trivia des équations d'Einstein. C'était vraiment un tour de force dès 1915. Il a fallu très longtemps pour comprendre vraiment la nature de cette solution, notamment l'aspect trou noir, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une région qui soit causalement déconnectée du reste de l'univers, et ça a pris du temps, et c'est plutôt ça que Einstein avait du mal à admettre. Monica Guica. Oui, si j'avais bien compris, pendant très longtemps, les gens étaient confondus sur la nature de l'horizon. Ils pensaient que ça serait une vraie singularité de la métrique. Mais en effet, c'est juste une singularité du système de coordonnées. C'est rien de physique. Et en changeant de système de coordonnées, on peut trouver, par extension analytique, la portion de trou de verre et l'autre univers. On va redire aussi exactement ce qu'on entend par trou noir comme solution à des équations et comme trou noir comme objet astrophysique, parce que aujourd'hui, Eric Gourgouillon, un trou noir, on sait, même si on les a pas observés directement, on a eu plein de preuves de leur existence, notamment via la détection des ondes gravitationnelles. Oui, par exemple, ça c'est un exemple récent, effectivement assez frappant, la détection de l'onde émise par des ondes gravitationnelles émises par un système de deux trous noirs qui fusionnent. Il y a également d'autres candidats dans notre galaxie, beaucoup de candidats trous noirs, mais ce qu'on observe d'un point de vue astrophysique, c'est l'extérieur du trou noir. Alors que le trou de verre apparaît, avec le pont d'Einstein-Rosen, à l'intérieur du trou noir. Donc c'est plus, à ce niveau-là, une construction mathématique, quelque chose qu'on obtient avec les équations. C'est pas quelque chose qu'on observe directement dans ce cas-là, puisque c'est sous l'horizon, c'est caché pour l'observateur. Alors est-ce qu'on peut rappeler peut-être brièvement qu'est-ce qu'on entend par l'horizon des événements d'un trou noir? C'est important. Et qu'est-ce que c'est qu'un trou noir? Qu'est-ce que c'est que cet objet astrophysique Rémy Bouillon, et puis Monique Guica. Alors, l'horizon, on peut le définir comme étant la frontière du trou noir, c'est-à-dire c'est la région, c'est la frontière. Donc, en dessous de l'horizon, si on rentre, si on traverse l'horizon, on ne pourra pas revenir en arrière. C'est par définition même d'un trou noir. Un trou noir, c'est une région de l'espace-temps de laquelle rien ne peut sortir. C'est pour ça qu'il est noir, même pas la lumière ne peut s'en échapper. Et donc, cette frontière est par définition l'horizon. L'horizon des événements, c'est le nom complet, mais on dit souvent horizon. L'horizon. C'est plus court. Un mot, on sait aussi aujourd'hui, au départ, le trou noir, comme vous venez de le dire l'un et l'autre, c'est une résolution des équations de la théorie générale. Aujourd'hui, on sait quel type d'objet astrophysique il s'agit. On sait comment naît un trou noir, notamment, Monica Guica. D'où ça vient, l'origine d'un trou noir? Donc, on pense qu'il vient du collapse gravitationnel des étoiles très massives. Ça, c'est une observation, on le sait, des supergéantes. Ah oui. Voilà. C'est des étoiles qui s'effondrent et qui font à un moment donné une singularité gravitationnelle, c'est-à-dire un point où en fait la gravitation devient infinie. Oui, c'est ça qu'on pense. Je ne pense pas que c'était vérifié expérimentalement. Ça n'a oui. pas été vérifié, mais c'est... Mais il n'y existe pas d'équation d'état d'une matière qui puisse résister à l'attraction gravitationnelle afin d'arrêter ce collapse gravitationnel. Un mot alors pour continuer un peu sur cette histoire des ponts d'Einstein-Rosen. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez nous redire peut-être un mot, Éric Gourgouillon, de ce pont, de ce qu'on appelle les ponts ER, hein, Einstein-Rosen, en 1935. Comment est-ce que Einstein et son étudiant Nathan Rosen en arrivent à postuler? Alors leur motivation, c'était de trouver un modèle microscopique aux particules, puisque les particules dans la théorie standard, ce sont des singularités. Par exemple, un électron, c'est une singularité pour le champ électromagnétique. Et donc Einstein-Rosen voulait trouver un modèle purement géométrique aux particules. Donc ça les a amenés à étudier la solution de Schwarzschild, donc qui décrit un objet purement gravitationnel. Et en étudiant plus finement que ne l'avait fait Schwarzschild cette solution, ils se sont aperçus que la topologie à l'intérieur, donc sous l'horizon, était plus compliquée que la simple topologie habituelle, c'est-à-dire la forme de l'espace. Quand on dit l'espace, on pense, je veux dire l'espace-temps, c'est-à-dire l'espace quadridimensionnel. on pense à une généralisation du plan en deux dimensions, ce serait un plan, donc une topologie très simple, la topologie la plus simple. Et donc on imagine une espèce de, d'hyperplan, enfin de quelque chose à quatre dimensions. Mais en fait, à l'intérieur d'un trou noir, c'est plus compliqué. C'est pas du tout la forme d'un plan. Donc si on veut faire une analogie bidimensionnelle, ça serait plutôt deux plans qui seraient reliés par un pont. Bon, une image qu'on peut donner, c'est une table. Un premier plan, c'est la table. Un deuxième plan, c'est le sol. Et entre les deux, on aurait un pied unique. Hein, vous pourriez imaginer une table un peu... Les tables un peu des années 70, voilà, avec, un plateau et c'est légèrement courbé. Le pied qui se resserre au milieu et qui est évasé à la fois sous la table et au niveau du sol. Il faut imaginer cette, cette courbure-là. Et donc, ça donne une représentation bidimensionnelle de la topologie, c'est-à-dire de la forme d'un trou de verre. Voilà. Et c'est ça qu'on trouve à l'intérieur du trou noir de Schwarzschild. On va vous mettre une image justement de cette représentation topologique sur le fil Twitter de l'émission. On peut aussi avancer un peu dans le temps. Le mot trou de verre est créé beaucoup plus tardivement par quelqu'un qui va être également important dans l'histoire et dans la compréhension de ces objets qui sont encore, on l'entend bien, hypothétiques, qui ne sont encore que des solutions à des équations. C'est John Wheeler dans les années 60. Oui, c'est le même qui a inventé le mot trou noir, d'ailleurs. Il a beaucoup. Il a contribué au vocabulaire de la physique. En relativité, d'une manière générale. Relativiste. Oui, effectivement. Alors, Wheeler, lui, ça c'est au début des années 60, et son équipe, ils sont arrivés à une compréhension complète de la solution du trou noir de Schwarzschild, ce qu'on appelle aujourd'hui son extension maximale, c'est-à-dire son extension dans toutes les directions possibles de l'espace-temps. Et à ce moment-là, effectivement, on constate que cette solution connecte bien deux régions qu'on qualifie d'asymptotiquement plates, c'est-à-dire deux régions comme ici où la gravitation est relativement faible, loin des trous noirs. Donc ces deux univers sont connectés par le pont d'Einstein-Rosen au cœur du trou noir. Donc ça, cette compréhension fine est arrivée dans les années 60, et la contribution majeure de Wheeler, c'était de montrer que ce trou de verre-là, malheureusement, n'est pas traversable. Enfin, malheureusement, d'un point de vue du voyageur. D'un point de vue du voyageur, mais on reviendra plus tard sur la traversabilité. Il y a autre chose aussi d'intéressant, c'est que Wheeler, et puis on en reparlera tout à l'heure dans le reportage, commence à faire aussi un lien avec l'hydrodynamique, c'est-à-dire qu'il considère l'espace-temps turbulent à très petite échelle, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir en fait plein de trous de verre dans un vide qui serait un vide quantique et qui crée des trous de verre en permanence à l'échelle nanoscopique. Oui, c'est ce qu'on appelle la mousse quantique, mais ça peut-être, Monica, Monica peux Luca, en parler plus un mot sur la mousse quantique. Je ne suis pas expert de mousse quantique, et il y a effectivement des propositions et peut-être on reviendra plus tard sur ça, comme quoi l'intrication quantique des systèmes peut produire des tout petits trous de verre au microscopique. À l'échelle nanoscopique, on y reviendra effectivement peut-être tout à l'heure, parce que ça, dans les recherches actuelles, il y a effectivement un lien qui est fait entre l'échelle relativiste et l'échelle quantique, mais on y reviendra tout à l'heure. Peut-être avancer aussi sur une autre notion importante, un autre rapport important, mais alors qui est là aussi très contesté, celle d'Igor Novikov, qui introduit en 64 une nouvelle forme d'objet, qui est le trou blanc. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un trou blanc, Eric Gourmand? Un trou blanc, ça, on l'avait déjà plus ou moins quand on a eu la compréhension complète de la solution de Schwarzschild. Si on l'étend dans toutes les directions, y compris vers le passé, on a ce qu'on appelle aussi le trou noir éternel. Donc, il y a une zone de trou noir, mais aussi une zone de trou blanc dans ce même espace-temps. Il y a une zone de trou blanc. Donc, le trou blanc, c'est un peu le symétrique du trou noir. C'est une région de l'espace-temps dans laquelle on ne peut pas entrer. Tout peut en sortir, mais on ne peut pas y rentrer. Toute particule ou toute information est éjectée. Est éjectée. Et si on essaye de s'en approcher, même avec un moteur fusée ultra puissant, on n'arrivera jamais à franchir la frontière, qui est aussi ce qu'on appelle un horizon. Mais cette fois-ci, c'est un horizon de trou blanc. Et voilà, donc c'est vraiment le pendant du trou noir. Et ça existe en tant que solution des équations d'Einstein, notamment dans cette extension maximale de la solution de Schwarzschild. Par contre, là aussi, il faut être prudent d'un point de vue, disons, de ce qu'on observe dans l'univers. Autant aujourd'hui, on a des preuves, ou du moins des évidences assez avancées, assez solides de l'existence de trous noirs, autant on n'a aucune évidence de l'existence de trous blancs. C'est comme les trous de verre, c'est-à-dire on n'a aucun objet aujourd'hui dont on dit tiens, cet objet, je ne peux pas l'expliquer autrement que par un trou blanc. Ça, c'est, non. Ça reste des solutions, et donc très hypothétiques. Il y a un nom, encore une fois, pour peut-être boucler cette approche un peu historique qui est très important dans la compréhension, et peut-être pour nous amener d'ailleurs à l'époque actuelle, c'est celui de Kip Thorne, qui, dans les années 80, a beaucoup, beaucoup travaillé sur les trous de verre, avec un apport important qui est celui de l'énergie exotique. Qui veut me... Eric Gourgouillon. Et puis Monica. Bon, juste pour dire donc quelques mots sur l'énergie exotique, c'est que pour avoir des trous de ver traversables, donc j'ai dit tout à l'heure que le trou de ver, le pont d'Einstein-Rosen qu'on trouve à l'intérieur du trou noir de Schwarzschild n'est pas traversable. C'est une particule qui est limitée à voyager à une vitesse plus petite localement que la vitesse de la lumière. Ou à égal à la vitesse de la lumière si la particule est un photon, cette particule ne peut pas emprunter le trou de ver. Par contre, donc les gens ont cherché des solutions traversables. Et dans les années 70, il y a Homer Ellis et un peu plus tard, donc effectivement Thorne et son étudiant Maurice, qui ont trouvé des solutions de trous de ver traversables. Mais le prix à payer, c'était de devoir tapisser ces solutions de matière exotique. C'est-à-dire que ce n'est plus des solutions du vide, de l'équation d'Einstein, comme l'est le trou noir de Schwarzschild. C'est des solutions dans lesquelles il faut de la matière, qui, donc via l'équation d'Einstein, façonne la géométrie de l'espace-temps. Et cette matière est dite exotique parce qu'elle est à densité d'énergie négative. Donc ça, c'est quelque chose de très exotique. Peut-être, Monica, tu peux commenter là-dessus. On va revenir. Qu'est-ce que ça pourrait être que cette matière exotique, justement? Pourquoi est-ce qu'elle est exotique? Parce qu'elle est importante pour ces solutions apportée par Kipton, mais pour le moment, pareil, on n'en a pas une seule trace dans l'univers observable. Qu'est-ce que c'est que cette matière exotique, Monica Guica? Donc, je peux commencer par dire un mot sur pourquoi on a besoin de matière exotique. C'est parce que afin de rentrer dans un trou de ver, les rayons lumineux ont besoin de converger et puis diverger. Et c'est ce fameux pied de table qu'on décrivait tout à l'heure. Exactement, voilà. Pour passer par le pied de table, ils ont besoin de faire ça. Et cela, si on regarde une forme des équations d'Einstein qui s'appelle Raichaud-Dury's equation, il faut que la matière ait un certain type d'énergie négative, c'est énergie nulle négative. Et il résulte que la plupart de la matière avec laquelle on est habitué ne satisfait énergie négative, c'est quelque chose de très bizarre pour de la matière classique. Donc il faut bien faire une distinction entre classique et quantique. En classique, tous les exemples qu'on a, ils ne font pas ça. En théorie quantique des chambres, il est possible d'avoir de l'énergie négative à un point de l'espace-temps. Mais par contre, l'intégrale de l'énergie le long de la géodésique doit être forcément positive. Donc c'est pour ça que c'est très difficile d'avoir des trous de ver classiques traversables, parce qu'il faut que cette intégrale soit positive. Soit recouvert d'énergie. Mais elle se comporterait comment, cette énergie négative, par rapport à de l'énergie positive? Une image qui pourrait nous donner une compréhension du fonctionnement de ce type d'objet? Par exemple, si on a une particule qui croise un flux d'énergie positive, donc disons à la vitesse de la lumière, elle va juste sauter et elle va avoir un avancement soudain dans le temps. Si elle croise un flux d'énergie négative, elle va être avancée dans le temps. Et ça, c'est quelque chose, normalement, si on peut aller dans... En arrière. Oui, ça peut poser des problèmes. Ça peut poser un certain nombre de problèmes, notamment autour de la causalité, mais ça aussi, on y reviendra, parce que c'est l'une des hypothèses qui est soulevée par ces fameux trous de ver. Peut-être un dernier mot sur cette introduction, Éric Gourgouillon, ces constructions donc hypothétiques. Pourquoi est-ce que je pose la question? Pourquoi continuer à travailler sur ces trous de ver aujourd'hui, puisque pour le moment, on ne semble pas avoir de moyens de les observer, ça reste extrêmement hypothétique. Qu'est-ce que ça permet en termes de réflexion quand on travaille en physique relativiste, en physique quantique, en astrophysique? Alors, c'est si on veut comprendre notre espace-temps dans tous ces détails, dans toutes ces subtilités, ça paraît, comme on l'a vu, ces solutions-là sont apparues très tôt dans l'histoire de la relativité générale avec le trou noir de Schwarzschild. Ensuite, pour le trou noir en rotation qui a été obtenu beaucoup plus tard, en 1963, par Kerr, la solution de Kerr qui décrit tous les trous noirs en rotation de notre univers. Là aussi, si on fait un prolongement, une extension maximale à l'intérieur sous l'horizon d'un trou noir de Kerr, on va trouver des trous de ver. Donc c'est une structure topologique qui apparaît assez naturellement. C'est pas extrêmement compliqué d'un point de vue de la topologie. C'est plus compliqué que la structure euclidienne, la structure du plan, mais c'est en termes mathématiques, c'est ce qu'on appelle le produit cartésien d'un plan par une sphère. Donc c'est deux objets relativement simples, la sphère, le plan, on prend le produit cartésien, c'est quelque chose de pas extrêmement compliqué mathématiquement. Donc ça explique peut-être pourquoi ça apparaît relativement naturellement, par exemple, à l'intérieur des trous noirs. Et les trous noirs, les trous de verre, pardon, à l'intérieur du trou noir de Kerr, eux, potentiellement, peuvent être traversables également. Donc on voit apparaître assez naturellement des trous noirs, des trous de verre traversables, dès qu'on manipule un peu les équations de la relativité générale. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h21, nous parlons tout au long de cette heure des trous de verre, des différents types de trous de verre. Vous l'avez entendu dans cette première partie, dans cette introduction, on parle de trous de verre traversables, non traversables, de certains trous de verre qui pourraient même, Monica Guica, qui est physicienne à l'Institut de physique théorique du CEA, peut-être, pourquoi pas, permettre de remonter dans le temps. Ça, c'est encore autre chose, on l'évoquera tout à l'heure. Nous en parlons également avec Éric Gourgouillon, qui est directeur de recherche CNRS au laboratoire Univers et Théorie de l'Observatoire de Paris. On peut peut-être résumer simplement en trois postulats qui permettent aujourd'hui de définir ce que l'on sait des trous de verre et de ces objets hypothétiques dans l'état actuel de nos connaissances. Il n'y a pas dans ces trous de verre, donc il n'y a pas d'horizon des événements, Éric Gourgouillon, contrairement aux trous blancs ou aux trous noirs. Il n'y a pas d'horizon des événements. Pour les trous de verre traversables. Pour les trous de verre traversables. Nécessité de matière exotique pour les trous de verre traversables. Ouais. Et pas de processus astrophysique de formation qui soit connu. On ne sait pas comment ces trous de verre pourraient être connus. Non, autrement que dans l'univers primordial, enfin c'est ce que expliquait Monica tout à l'heure, cette mousse aux très petites échelles, donc si on remonte très en arrière vers le Big Bang, aux très petites échelles, c'est ce qu'on appelle l'échelle de Planck, on pense que, c'est très hypothétique pour l'instant, mais que l'espace-temps a une structure granulaire. Là, on parle d'échelle de 10^-35 mètres, c'est extrêmement petit. Et donc, à ces échelles-là, on pourrait avoir des micro trous de verre dans cette mousse. Donc là, ça serait un processus naturel, en quelque sorte, ça serait au moment du Big Bang. Ou si on regarde aujourd'hui notre espace-temps tel qu'il est aujourd'hui, mais si on zoome énormément, on peut avoir ces micro trous de verre. Pour l'instant, c'est le seul, disons, modèle naturel de formation qu'on ait. C'est pour les micro trous de verre. Alors, Monica Guga, sur les hypothèses de formation des trous de verre, vous voulez peut-être réagir, dire un mot ? Les formations des trous de verre. Pour vous, vous les manipulez comme des stricts objets théoriques, ou est-ce que vous pensez qu'ils peuvent avoir une réalité astrophysique ? Moi, je pense à eux comme des purs objets mathématiques, de physique mathématique, parce que. Effectivement, un trou noir qui se forme à travers du collapse gravitationnel, il n'a pas cette région, il n'y a pas de deuxième univers, il n'y a pas de région de trou de verre dans cette solution. Il y a trop d'objets, pour le coup, exotiques en astrophysique pour pouvoir intégrer ces trous de verre au champ des objets astrophysiques observables, entre guillemets. C'est-à-dire que ça implique trop de spéculation, selon vous. Vous savez, c'est difficile à dire. Alors, peut-être revenir sur deux trois apports qui ont permis de redéfinir ce qu'était exactement ou aujourd'hui l'état de connaissance de ces trous de verre. On en a dit un mot tout à l'heure. Monica Guica en parlait. Depuis Stephen Hawking et ses radiations, on sait qu'on peut appliquer finalement, en fait, Éric Gourgouillon, à des objets macroscopiques que sont les trous noirs, des lois de la physique quantique. Oui, par contre, ce qui manque aujourd'hui, c'est une théorie quantique de la gravitation. Donc, on n'a pas, pour effectivement aller plus loin vers la compréhension théorique des trous de verre, voire envisager des scénarios astrophysiques de formation, il faudrait vraiment avoir une meilleure compréhension de la gravité quantique, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Et ce qu'a fait Stephen Hawking avec la découverte du rayonnement de Hawking des trous noirs, c'est d'appliquer des techniques de théorie quantique des champs au voisinage des trous noirs, mais c'est pas vraiment la quantification de la gravitation. Donc aujourd'hui, il y a des pistes, il y a la théorie des cordes, il y a la gravité quantique à boucle. Dont on a largement parlé autour de cette table. Et donc je pense que il faudrait peut-être certaines de ces théories feront des prédictions un peu plus concrètes. Néanmoins, pour les astrophysiciens, c'est quand même intéressant de garder, d'avoir l'esprit assez ouvert et d'envisager éventuellement comment pourrait se manifester un trou de ver, par exemple, dans notre univers. Donc, par exemple, aujourd'hui, on étudie beaucoup le trou noir central de notre galaxie, Sagittarius A étoile. Mmh. On pense que c'est un trou noir, c'est ce qui est le plus plausible aujourd'hui dans l'état actuel de nos connaissances, mais ça pourrait être un objet gravitationnel plus exotique, comme un trou de ver, par exemple. On ne peut pas l'exclure complètement avec les observations d'aujourd'hui. Donc, par exemple, on a calculé récemment dans notre groupe l'image qu'aurait un trou de ver si on plaçait au centre de la galaxie. On a pris un certain modèle de trou de ver en rotation et on a calculé l'image de ce trou de ver pour comparer, une fois qu'on aura des images assez fines avec l'Event Horizon Telescope ou de futurs instruments de structures d'accrétion autour de cet objet, j'allais dire ce trou noir. Cet objet pour le moment, vraisemblablement ouais. Un trou noir. Mmh. Mais on a calculé, voilà, si c'était un trou de ver, voilà ce qu'on verrait. Voilà. Donc aujourd'hui, quand même, en astrophysique, on prend aussi en compte cet aspect potentiellement de trou de ver. Faut pas non plus dire, oh, c'est trop exotique, on va pas du tout l'étudier, c'est pas intéressant, voilà. On verra tout à l'heure qu'il y a effectivement quelques études par ailleurs qui ont été publiées récemment et qui donnent des indices sur la façon dont on pourrait réussir à observer ces trous de ver parce qu'ils se comporteraient malgré tout de manière un peu différente. On y reviendra tout à l'heure. Peut-être redire un mot aussi de la question de la singularité gravitationnelle qui est prévue au centre des trous noirs. Que se passe-t-il si un trou noir contient un trou de ver? Est-ce que ça remet en cause cette singularité gravitationnelle? Non, pas du tout. L'exemple, c'est l'exemple du trou noir de Schwarzschild. Le pont d'Einstein-Rosen et la singularité dans le trou noir sous l'horizon existent, mais sont en deux régions différentes de l'espace-temps. Donc, il n'y a pas du tout d'incompatibilité. Est-ce qu'on peut peut-être refaire rapidement, parce qu'on parle du trou de ver de Schwarzschild, du trou de ver de Kern-Newman, du trou de ver de Wheeler. Ils ne sont pas tous de même nature, ils ne sont pas tous traversables. Qui veut faire, Monica Guica, la différence entre ces trous de ver de Schwarzschild, de Kern-Newman, de Wheeler? Quelle est leur différence? Quelle est la différence de ces objets, outre le fait d'être des réponses à des équations? Le trou de ver de Schwarzschild, donc il n'est pas traversable. Celui de Kerr, en effet, il est possible de traverser dans un autre univers, mais si on passe par une région de l'espace-temps qui est pensée d'être assez instable, en effet, aux perturbations. Donc, je pense le plus probable est que l'espace-temps va s'écrouler si l'observateur essaie de passer. De traverser, oui. Mais analytiquement, disons, la solution existe. En principe, c'est possible de passer. Ça, c'était pour le Kern-Newman et le trou de ver de Wheeler. Quelle est la différence du trou de ver de Wheeler? Le trou de ver de Wheeler, je pense que c'est le trou de ver d'Einstein-Rosen. C'est parce que Wheeler a étudié le... Mais c'est le même que celui de Schwarzschild, je pense. C'est le pont d'Einstein-Rosen. Alors, du coup, se pose évidemment sur cette question de la traversabilité. On n'en est évidemment pas du tout au point de se dire qu'on va mettre un objet macroscopique à l'intérieur de ces trous de ver. Mais que se passe-t-il? Quel est le devenir d'une particule, précisément? Est-ce qu'elle va à un autre endroit de l'univers connu? Que fait une information, Monica Guica, qui rentre dans un trou de ver, qui passe l'horizon des événements d'un trou noir et qui passe quelque part ailleurs? Et disons, s'il y a une particule qui veut passer par le pont d'Einstein-Rosen dans la géométrie analytique de Schwarzschild, est-ce qu'il va se passer parce qu'il n'est pas traversable? Par contre, il va terminer dans la singularité de trou noir. Donc, dans la singularité, c'est le point gravitationnel, le point de gravitation extrême. Parce que en effet, c'est des parties de la même géométrie. Il faut voir un petit peu. On essaie de passer le trou de ver, mais en effet, on termine dans la singularité. Dans la singularité. Éric Gourgouillon, que l'information donc, si elle rentre dans ce trou de ver, comment peut-elle éventuellement en ressortir? Quand c'est un trou de ver traversable, par définition, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'elle ressort dans une autre région, soit du même espace-temps, après ça dépend comment on voit les choses, soit d'un espace-temps séparé. On peut dire tout ça finalement au final, comme c'est connecté par ce pont, par ce pied, si on a à nouveau l'image de la table, tout ça finalement c'est le même espace-temps. Des fois on dit ça connecte deux espaces-temps, mais si on regarde d'un point de vue global, c'est le même espace-temps, il y a un petit pont entre. Hein. C'est qu'on pourrait dire par exemple deux continents connectés par un isthme ou un pont, voilà, c'est un peu comme ça. Par définition, même un trou de ver traversable, il n'y a pas d'horizon, c'est-à-dire qu'on peut le traverser dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on peut aller dans un sens, puis revenir. surtout l'usage, ce qui en effet ça d'ailleurs dans les films de science-fiction, c'est cet aspect-là. Et, mais le prix à payer, encore une fois, pour de tels trous de verre, c'est d'avoir de la matière exotique. C'est-à-dire que ce n'est pas des solutions naturelles, ce n'est pas des solutions qui apparaissent dans le vide, comme les trous de verre qu'on rencontre à l'intérieur des trous noirs, par exemple. Mais encore un mot sur cette matière exotique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur cette matière exotique et elle n'apparaît nulle part. Pour le moment, elle est vraiment strictement théorique. Elle sert uniquement à résoudre ces équations. Ou est-ce qu'on peut supposer... Justement, quand on fait appel à la théorie quantique des champs, on voit apparaître qu'il y a un effet, par exemple, qui s'appelle l'effet Casimir, qui met en évidence des choses sur les fluctuations du vide quantique entre deux plaques métalliques. Eh bien, on voit une force et aussi on peut, ça je crois on ne l'a pas vraiment mesuré parce que c'est très très fin, mais il y a une forme d'énergie négative qui apparaît à cet endroit-là. Donc il y a dès qu'on prend en compte des effets quantiques, on peut faire apparaître de l'énergie négative. Ça, tu peux peut-être commenter plus. Monica Gutter. Mais en même temps, c'est vrai. Donc c'est vrai qu'en physique quantique, on peut avoir de l'énergie négative localement. Par contre, avoir de l'énergie négative le long d'une géodésique infinie, dans ce cas-là de l'effet Casimir, elle est toujours positive. Donc c'est toujours si on veut faire un trou de verre traversable avec de la matière normale, effet Casimir, qui est tout à fait un effet normal, on ne peut pas parce que cette intégrale, en effet, elle est positive. Donc on ne peut pas former ce trou de verre. You need somebody to love, just look into my eyes. I'll be there to make you feel right. If you're feeling sorry and sad, I'd really sympathize. Don't you be sad, just call me tonight. The sun has faded away, I'll try to make it shine. There is nothing I won't do. When you need a shoulder to cry on, I hope it will be mine. Call me tonight and I'll come to you. Les Beatles, Anytime At All sur France Culture à 16h35. Nous parlons des trous de verre et nous allons voir que parfois, eh bien, puisqu'ils courbent l'espace-temps, ils courbent aussi le temps. Anytime At All, on essaye toujours de trouver un lien musical avec notre thème du jour. Nous parlons donc des trous de verre en compagnie de Monica Gwicka, qui est physicienne à l'Institut de physique théorique du CEA, et avec Eric Gourgouillon, qui est directeur de recherche CNRS au laboratoire Univers et Théorie de l'Observatoire de Paris. Alors, les trous de verre, eh bien, on a entendu que ce sont des objets hypothétiques qui font, comme vous l'avez entendu également, des nœuds au cerveau des physiciens depuis pas loin d'une centaine d'années. Eh bien, des chercheurs français ont réussi à recréer en laboratoire un trou de verre. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous revenez tout juste d'une autre dimension, mais plus aquatique que spatiale. Oui, qu'on se rassure tout de suite, j'ai vu un trou de verre, mais un trou de verre analogue, parce que qui dit analogie ne dit pas identité, sinon j'aurais été happé dans un vortex à l'heure qu'il est, et vous ne pourriez plus me faire vos blagounettes de jour férié. Donc voilà, toute l'idée de l'expérience qui est menée par Germain Rousseau et Léopold Heuvet à l'Institut P' de Poitiers, c'est d'observer dans un canal d'eau des ondes qui vont à contre-courant et de voir, dans l'intervalle entre un trou noir et un trou blanc analogue, donc dans un trou de verre, comment ces ondes se comportent. L'enjeu est non seulement d'essayer de mettre à l'épreuve de l'expérimentation grâce à un analogue, je le répète, un objet théorique aussi complexe qu'un trou de verre, mais c'est aussi de contribuer à la mise en place de nouveaux dispositifs expérimentaux qui pourraient apporter de l'eau au moulin de la recherche en relativité générale. Ici, on utilise un canal qui est de taille moyenne, on va dire, pour l'Institut, qui fait donc 8 mètres de long sur une quarantaine de centimètres de large et qui permet de créer un courant qui va donc de la gauche vers la droite. Et donc, ce courant, on vient le modifier en plaçant un obstacle sur le fond qui vient modifier donc la vitesse du courant en fonction de la position. On vient accélérer le fluide en passant au-dessus de l'obstacle, puis le décélérer à la descente de l'obstacle. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'au bout de ce canal, à la position opposée, on vient générer des ondes qui remontent le courant, car leur vitesse pour l'instant est plus grande que celle du courant. Mais comme elles vont voir un fluide qui sera de plus en plus rapide, eh bien, la vitesse de ce fluide va à un moment être égale à la vitesse des ondes, donc elles vont venir être stoppées en une certaine position spatiale. Et donc c'est de là qu'on va commencer à parler d'analogie, car dans notre cas, on étudie donc la propagation d'ondes sur un courant inhomogène, et on peut rapidement faire l'analogie avec la propagation de la lumière dans un espace-temps courbé. Donc on peut créer différents régimes, plein de phénomènes, pour étudier justement des phénomènes astrophysiques, comme l'espace-temps courbé, en particulier autour d'un trou noir, pourquoi pas autour d'un trou de verre, ou aussi, on parle aussi de trous blancs, qui sont aussi des objets théoriques, mais très proches des trous noirs. Pour créer un trou de verre analogue dans un système hydrodynamique comme celui-ci, il faut créer un trou noir et un trou blanc. Où sont-ils ? Voilà. Et comment on le crée dans ce bassin ? Alors, un trou noir d'abord, ce qui est plus simple parce que c'est beaucoup plus connu. C'est donc une zone où le fluide va être accéléré. Et donc, c'est pour ça que les ondes ne peuvent pas sortir de cette zone accélérée parce que la vitesse est beaucoup trop grande. À l'inverse, le trou blanc va être une zone de décélération. Et donc, les ondes ne vont pas pouvoir pénétrer à l'intérieur de ce trou blanc. Et donc, dans notre système, comme on va avoir un fluide qui va d'abord être accéléré, puis décéléré, on va, dans certains régimes, trouver d'un côté l'horizon d'un trou noir analogue, bien sûr, et de l'autre côté, l'horizon d'un trou blanc. La différence, mais qui nous arrange en quelque sorte, c'est que la définition que nous, on a, qu'on utilise en tout cas, d'un trou de verre, c'est la connexion entre un horizon noir et un horizon blanc. Est-ce qu'à l'intérieur, il y a une singularité, comme en astrophysique ou quoi que ce soit ? Dans notre cas, non. Il n'y a pas de singularité. Ce qui arrange, d'un certain côté, nous, notre problème, parce que c'est quelque chose de stable. On n'a pas d'autres soucis. Et donc, on utilise cette définition assez simpliste, mais qui permet une première étude, au moins, qui permet de développer des scénarios possibles. Je voudrais préciser pour vos auditeurs qu'il y a un moyen très, très simple de tester tout ceci. Vous allez dans votre baignoire, vous retirez le bouchon et vous créez un siphon. Ce siphon pour les vagues va être tel que la vitesse de l'écoulement va empêcher les vagues de remonter le siphon. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? L'eau s'écoule dans un tuyau. Et puis après tout un parcours, elle ressort dans votre évier à travers le jet. Donc vous ouvrez un robinet dans votre évier de cuisine et vous créez un ressaut circulaire. Et si vous amusez avec un petit couteau à créer des ondes à la surface de votre évier, eh bien ces ondes ne vont pas pouvoir remonter à l'intérieur du ressaut. Donc vous avez entre le siphon de votre baignoire et l'évier, eh bien ça va être la zone de trou de verre. Donc c'est en fait ce qu'on essaye de reproduire dans cette expérience. L'idée générale qu'il y a derrière, c'est qu'il y a un voyage qui est simple. C'est vous partez de votre siphon, vous êtes piégé, vous passez à travers tous les tuyaux, vous ressortez par votre évier. Nous, on a fait une expérience qui est encore plus marrante, c'est de dire que vous remontez du ressaut circulaire et vous ressortez du côté de la bande de votre baignoire. Et alors la difficulté quand même, c'est qu'il peut se passer plein de choses entre la sortie de votre baignoire et votre évier. Il peut y avoir des singularités. L'eau peut stagner, l'eau peut disparaître, il peut se passer plein de choses. Donc c'est tout ce qu'on ne comprend pas, entre guillemets, qui fait qu'à la fin des faits, on a pris cette définition un petit peu plus générale, qui peut faire bondir nos collègues en relativité générale. On va prendre le trou de verre comme étant la zone entre l'horizon blanc et l'horizon noir. Là, on est devant le bassin canalisé et les ondes commencent à apparaître. Qu'est-ce qu'on voit ? Donc on peut voir arriver une onde, à peu près, qui a une longueur d'onde d'une vingtaine de centimètres, une trentaine de centimètres, donc qu'on va considérer longue, qui va remonter le courant et qui va se retrouver raccourci jusqu'à un certain point où elle sera stoppée. Ça, ce serait le cas le plus simple, où voilà, on a une onde qui va être stoppée à l'horizon blanc, elle ne peut pas pénétrer dans cette zone interdite. Mais la microphysique, justement, dans les ondes de surface va faire qu'il va y avoir différentes conversions. Et cette onde longue va être convertie par un phénomène de double rebond, et donc va être stoppée à l'horizon blanc, va se convertir en une onde plus courte qui va repartir dans le sens du courant, et une deuxième fois par une onde encore plus courte qu'on appelle les ondes capillaires. Et ces ondes capillaires ont la capacité d'avoir une vitesse plus grande que celle du courant et vont pouvoir pénétrer à l'intérieur du trou de ver. Mais on a eu une forte en fait, déformation de cette longueur d'onde qui était assez grande, d'une vingtaine de centimètres, en une longueur d'onde qui est plutôt de l'ordre entre le millimètre et le centimètre. Et c'est cette capacité-là qui va permettre de rentrer dans le trou de ver. Et donc là, par contre, comme on est bien dans l'expérience, on voit la pénétration à travers le trou blanc. À l'œil nu, en fait, ces petites ondes capillaires se dissipent assez rapidement parce que justement elles sont très courtes. Donc on va pas pouvoir voir le voyage inverse du côté horizon noir, mais on va avoir ces ondes capillaires qui vont grandir puis regrandir une deuxième fois pour retrouver en fait des ondes gravitaires comme on avait à la base et qui vont ressortir du côté noir. Visuellement, à l'œil nu, là on ne peut pas les voir parce qu'elles sont d'amplitude beaucoup trop faible. Par contre, on a des systèmes de mesure bien sûr qui nous permettent une mesure beaucoup plus précise et qui nous montre bien que ce voyage est possible. Il y a eu en mois de juillet une conférence à Cambridge, juste avant le décès de Stephen Hawking, pour fêter son 75e anniversaire. Il y a une conférence de notre collègue américain Ted Jacobson qui concluait sa présentation en disant « Nous sommes rentrés dans l'ère de la radiation de Hawking expérimentale ». Donc là, on est face à une explosion de dispositifs expérimentaux qui sont testés, et après on va dire « Bien, on va vivre notre vie de notre côté. » Au départ, c'est parti un petit peu de cette commande par les gens de la relativité générale. Maintenant, la gravitation analogue a pris son envol. On va essayer de comprendre un certain nombre de phénomènes dans chacun de nos systèmes et pourquoi pas donner des indications, des suggestions à nos collègues en relativité générale. Voilà, vous venez donc d'apprendre aujourd'hui que vous pouviez reconstituer des trous de ver chez vous dans votre baignoire, comme quoi ça vaut le coup d'écouter la méthode scientifique, même les jours fériés. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Eric Gourgouillon et Monica Gouica. Eric Gourgouillon. Oui, donc là, on a entendu, c'est la façon dont ces gens ont défini dans cette expérience le trou de ver, c'est une région entre une zone de trou noir analogue et une zone de trou blanc analogue. Donc ça serait effectivement tout à fait l'analogue du pont d'Einstein-Rosen qu'on trouve à l'intérieur du trou noir de Schwarzschild, donc ce type de trou de ver. Par contre, c'est pas l'analogue d'un trou de ver traversable. Hein. Donc c'est un trou de ver, c'est l'analogue d'un trou de ver qu'on trouve à l'intérieur des trous noirs. Parce qu'effectivement, dans un trou noir, la région dans un trou noir étendu, la solution complète de Schwarzschild, la région de trou blanc rejoint la région de trou noir, l'horizon de trou blanc rejoint l'horizon de trou noir sur ce qu'on appelle la sphère de bifurcation, qui est en quelque sorte qu'on peut voir comme la gorge du trou de ver, c'est-à-dire l'endroit où le trou de ver est le plus resserré. Donc effectivement, c'est ce point de contact qu'on peut définir comme le trou de ver dans cette expérience. Ce qui est intéressant, Monica Gouica, c'est que pour parler d'équations à proprement parler, en l'occurrence, vraiment c'est intéressant ce parallèle parce que l'hydrodynamique, les équations d'hydrodynamique sont tout de même extrêmement similaires. Donc puisqu'on peut le faire avec de l'eau, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire avec de la matière, avec des particules dans l'espace ? Oui, donc, je pense l'idée de ce genre d'expérience est que les ondes sonores se propagent dans une métrique effective, qu'à la fin, cette partie de leur propagation, les équations qui ressortent de cela sont identiques aux équations pour la propagation des particules dans les métriques, dans l'espace-temps. Cela dit, il faut bien voir qu'il y a beaucoup d'effets plus microscopiques, disons les effets de gravité quantique d'un côté et les effets propres au fluide qu'ils étudient au niveau microscopique sont très différents. Bien entendu. Mais je trouve que c'est très joli de pouvoir voir, disons ça, dans ces baigneurs. Est-ce que c'est vrai qu'on peut le faire? Voilà, ça ne nous garantira pas forcément de déboucher dans un autre endroit ou dans une autre baignoire ou dans la baignoire, dans un univers parallèle. C'est un autre problème. Ce qui est intéressant, Eric Gourgouillon, c'est que cette reproduction, elle a pu être faite, on l'a entendu, en hydrodynamique, mais elle a pu être faite également en électromagnétique. Hein, des chercheurs de l'Université Autonome de Barcelone qui ont publié en 2015 leurs résultats dans Nature Scientific Reports et qui arrivent à montrer que... bien, du coup, une onde peut passer à travers un trou de ver, c'est cela ? Ouais, je suis pas tellement Monica Gouica, je vais me replonger avec un champ magnétique détectable d'un autre qui s'interrompt, qui réapparaît de l'autre côté, qui sautait d'un point à l'autre. Ça vous dit quelque chose ? Oui, en effet, on peut avoir, je ne connais pas cette expérience, mais du point de vue théorique, on peut avoir des lignes de champ électrique qui passent tout à fait par le pont de Einstein-Rosen. Donc, d'un côté, on voit une charge positive, de l'autre côté... Une charge qu'on retrouve de l'autre côté qui réapparaît. Du coup, on n'a pas, donc, du point de vue, si vous voulez, d'un seul... univers, c'est comme si c'était quelque chose de chargé, même si on n'a pas de singularité. Donc ça revient aux idées initiales, d'Einstein et Rosen. Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer rapidement, peut-être Eric Gourgouillon, pourquoi est-ce qu'on trouve, parce que quand on pense trou de ver, on pense passage d'un point A à un point B, comme on l'a entendu au début, pourquoi est-ce que certains sont traversables, pourquoi d'autres ne le sont pas? Que se passe-t-il, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, dans le trou de ver de Schwarzschild, dans les équations de Schwarzschild, pourquoi est-ce que ce trou de ver-là, on ne peut pas l'information ne passe pas au travers. En fait, donc, faut bien voir que ce sont des structures de l'espace-temps. Donc, dans l'espace-temps, les particules, les objets, les voyageurs sont astreints à voyager dans ce qu'on appelle des lignes d'univers. Et du fait d'une loi fondamentale de la relativité qu'on ne puisse pas aller plus vite que la lumière, ça astreint ces lignes d'univers à avoir une certaine pente, si vous voulez, dans l'espace-temps. On ne peut pas prendre n'importe quelle pente. Et ce qui fait que si on essayait d'entrer, donc si on rentre dans l'intérieur d'un trou noir de Schwarzschild, si on essaye d'emprunter le pont d'Einstein-Rosen, eh bien, on va voir que ce pont d'Einstein-Rosen, vu par nous, il a une structure dynamique, en fait. Il va se refermer avant même qu'on puisse le traverser. Donc, il va se. C'est pas quelque chose, c'est pas une structure statique, en fait, puisque l'intérieur d'un trou noir de Schwarzschild n'est pas statique, c'est une zone dynamique de l'espace-temps. Et donc, le pont d'Einstein-Rosen, qui vit dans cette région, dans l'intérieur du trou noir, eh bien, en fait, d'un point de vue d'un observateur, qui s'en approche, eh bien, il n'est pas figé et il va se refermer. En fait, l'image de la table qu'on avait tout à l'heure, du pied de table, c'est comme si ce pied de table, en fait, se resserrait. Et si vous montez, par exemple, du bas vers le haut, eh bien, à un moment donné, ça va se resserrer, ça va faire un pincement, hein, et ça va s'arrêter. Ça ferait quelque chose comme ça. Et on vient de vous mettre sur le fil Twitter de l'émission le lien vers cette expérience de reproduction de trous de ver magnétiques que vous pouvez aller consulter pour en apprendre plus sur cette expérience. Il y a un autre point de la recherche actuelle que j'aimerais aborder avec vous, que je trouve assez intéressant, on l'a abordé brièvement tout à l'heure, c'est ce fameux ER égale EPR. Alors ER égale EPR, les équations, ça fait toujours un peu peur quand on les dit comme ça. En fait, c'est Einstein-Rosen, hein, pour le pont d'Einstein-Rosen, égale EPR, c'est-à-dire Einstein-Podolsky-Rosen. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, et je vais essayer de la résumer à ma manière, et Monica Gouka, vous la préciserez avec vos propres termes. L'idée, c'est de dire que, finalement, le trou de ver, ce serait deux trous noirs qui seraient en fait entièrement constitués de particules quantiques intriquées. Ce serait quelque chose comme ça. Est-ce que j'ai bien compris? Pas tout à fait. Comment expliquer ces recherches de Susskind et Maldacena qui ont été publiées en 2013? Je pense que ces recherches... donc, il y a un exemple dans la communauté qui est très présent, qui est basiquement le pont. Donc, on prend le pont de Einstein-Rosen, juste la solution de Schwarzschild, toute la solution analytique, mais on ne le met pas dans l'espace-temps plat, mais en espace-temps hyperbolique. Ça change juste les asymptotiques. Le caractère important de la solution avec le pont ne change pas du tout. Et il résulte que quand on fait les asymptotiques hyperboliques, il est possible d'écrire cet espace-temps qui, disons, il a quatre dimensions par une théorie de champ, ça veut dire une théorie sans gravitation, dans une dimension de moins, donc à 2 plus 1, à 3 dimensions. Mmh. Et si on essaie, il y a un dictionnaire compliqué que les gens connaissent, et si on regarde à quoi ça correspond dans ces théories 3 dimensionnelles, en effet, ça correspond, on prend deux copies, donc deux théories comme ça, et on les met dans un état intriqué, ça veut dire... l'état dans une théorie dépend de l'état de l'autre théorie. C'est l'intrication quantique de deux particules dont on a beaucoup parlé. Exactement. Ici sauf même. Que ces théories sont bien compliquées. Sauf donc que c'est tout beaucoup est plus gros. Voilà, c'est ça. Oui, tout est intriqué. Tout est intriqué. Donc ça c'est un état maximalement intriqué. Mm-hmm. Et celui-là, il est connu qu'il correspond exactement au pont de Einstein-Rosen dans la description gravitationnelle. Donc c'est de là que ça part, ça c'est beaucoup d'intrications et du coup, eux, ils ont dit, ok, même si on a un peu moins d'intrications, ça devrait aussi correspondre à des petits ponts de Einstein-Rosen, peut-être microscopiques, qui se forment dans l'espace-temps. Un mot, Éric Gourgouillon, sur cette théorie de Souskind et Maldacena. Oui, bon, c'est grosso modo ce que Monica vient d'expliquer. Mais donc, effectivement, l'idée basique, c'est d'expliquer l'intrication quantique par une structure géométrique de l'espace-temps, par une structure topologique de l'espace-temps, donc qui serait des ponts d'Einstein-Rosen, donc des trous de ver. Et donc ça ferait le lien entre la gravité et la théorie quantique. Encore une fois, on a... pas à ce jour de théorie achevée. Ce serait un pas très important, tout de même. Mais pour l'instant, donc il y a des pistes qui sont suivies. Il y a des exemples dans des basses dimensions, comme tu viens de l'expliquer, avec des asymptotiques. Il y a cette correspondance, effectivement. En effet, il est connu dans le cadre de cette correspondance dont je parlais, qui s'appelle ADCFT. Il y a un lien direct entre l'intrication du point de vue de la théorie 3D et la géométrie du côté de l'espace-temps. En effet, on peut mapper exactement l'entropie d'intrication à des objets géométriques comme la superficie de certaines surfaces. Ça va très, c'est très proche du fait que l'entropie du trou noir est proportionnelle à sa surface. Tout cela est très précis dans le cadre de cette correspondance. On voit un lien direct entre géométrie émergente et intrication dans cette théorie en une dimension de moins. On arrive vers la fin de cette émission, peut-être un mot sur l'observation. Il y a aussi quelques travaux qui ont été faits sur la possible observation de ces trous de ver. Une étude récente de mars dernier suggère que l'on pourrait observer les trous de ver via leur ombre, une ombre qui serait différente de celle des trous noirs. C'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure en disant que récemment on a étudié, donc ça c'était un travail qui a été fait avec Frédéric Lamy de l'Université Paris Diderot, Thibaut Pomard et Frédéric Vincent de l'Observatoire. Donc on a étudié l'ombre justement, la forme qu'aurait un trou de ver entouré d'une structure d'accrétion, si on le place au centre de notre galaxie, si on lui donne la même masse que la masse de ce qu'on appelle le trou noir central aujourd'hui. Et en fait, vu de loin, c'est pas si différent que ça. Donc effectivement, il faudra regarder finement, parce que tous les effets d'images multiples, si vous avez en tête les images de trous noirs, par exemple l'image qu'on voit dans le film Interstellar, ou ces images... Qui a été coaché par Kip Thorne lui-même. Voilà, himself. Et puis dans ces premières images qui sont dues à Jean-Pierre Luminet, puis après il y a eu Alain Riazzolo, Jean Lamarck, etc. Donc c'est des images bien connues. Donc ces images où on voit notamment des arcs, des images multiples en fait, eh bien on les a aussi, ce type d'image-là, parce que l'espace est très courbé au voisinage des trous de ver. Donc ce type d'image-là, on l'a aussi pour un trou de ver. C'est plutôt dans la région centrale que se fera la différence. Donc on a pris, nous, par exemple, un exemple d'un modèle de trou de ver en rotation. On a calculé cette image et on espère qu'un jour, eh bien, des instruments comme l'Event Horizon Telescope ou ses successeurs... Event Horizon qui doit être mis en orbite dans très peu de temps. En fait, c'est un instrument qui est sur Terre. Ah oui, c'est un instrument qui est en train de prendre des données. En fait, c'est plusieurs radiotélescopes à la surface du globe pour faire de l'interférométrie, pour avoir une résolution suffisante pour observer ce genre d'image. Si on veut terminer par faire un peu de spéculation, qu'est-ce qui indique aujourd'hui, qu'est-ce qui nous permet de penser que l'entrée d'un trou de ver traversable, on va parler pour le moment d'information, on va pas parler d'objets macroscopiques, mais déboucherait sur un autre univers. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas juste une passerelle qui permettrait, comme on l'a entendu au tout début de cette émission, de faire un point A, un point B et finalement de replier pour rester dans le même univers que l'univers que nous connaissons aujourd'hui, Éric Gourgouillon? Pour moi, c'est un peu une question de sémantique, parce que comme je disais, dans la mesure où on a un pont qui relie deux régions de l'espace-temps, tout ça, on peut dire que c'est un seul univers. Donc voilà, c'est un univers qui a une forme compliquée, hein, plus compliquée que ce qu'on imagine quand on pense à l'espace-temps, on pense à quelque chose à quatre dimensions qui serait une bête généralisation du plan à deux dimensions, ce qu'on appelle l'espace euclidien ou minkowskien à quatre dimensions. En fait, c'est qu'on a une forme, ce qu'on appelle la topologie en mathématiques, une forme plus compliquée de l'espace-temps, mais tout ça reste le même univers. Je sais pas si tu veux. Monica Glucka, oui. Pour moi, la différence, on peut, si on a plusieurs manières d'arriver de point A à point B, si on en a deux, je dirais c'est le même univers. Si il n'y a qu'une à travers le trou de verre, dirais que ça serait entre deux univers. Alors ce serait deux univers différents. Quid de la possibilité, si l'on arrive à connaître ou à découvrir un peu plus de choses à propos de cette matière exotique, de générer des trous de verre? Là, on est vraiment dans la science-fiction totale, Éric Gourgouillon. Pour l'instant, oui, hein, puisque comme le disait Monica tout à l'heure, même avec de la théorie quantique, même avec l'effet Casimir, on n'arriverait pas à générer des trous de verre aujourd'hui. Donc c'est de la science-fiction. Néanmoins, on ne peut pas exclure que c'est notre méconnaissance en fait de certains phénomènes qui nous fait dire que cette matière exotique n'existe pas ou on ne pourra jamais la voir. Ça, on ne peut pas en être certain, effectivement. Monica Gouguia. J'allais juste aller vers l'arrière. Vous avez mentionné à un certain moment le paradoxe de Hawking il y a quelque temps. Et en effet, j'étais juste en train de penser que ces trous de verre, en effet, ils peuvent être utilisés pour tester une forme, une certaine forme du paradoxe. Parce que le paradoxe touche sur si l'extension de la solution de Schwarzschild derrière l'horizon à des grands temps et elle existe. Et c'est un peu l'évaporation des trous noirs, hein, l'évaporation des trous noirs à l'horizon d'événements. L'évaporation n'est pas si importante dans cette question, mais si l'espace-temps derrière l'horizon, est-ce qu'il existe ou est-ce que l'espace-temps se termine là où il serait l'horizon? Et ça, c'est un grand débat en physique théorique. Il y a eu le firewall paradoxe et tout cela. Il y a des débats sur cela. Et en effet, il est possible d'utiliser les trous de verre comme solution analytique pour essayer de répondre à cette question qui est une question physique, en fait. Parce qu'on parle des, cette région est pensée exister même pour des trous noirs formés par collapse gravitationnel. Donc, juste pour ajouter, ça, c'est une question physique qui nous intéresse beaucoup, qui peut être intéressante et qui étudier à travers. Étudier, oui, bien sûr. Une toute dernière question, peut-être. Est-ce que vous pensez qu'il en est des trous de verre comme il en a été des ondes gravitationnelles? C'est de se dire que pendant longtemps, Einstein ne croyait pas qu'on pourrait les observer un jour. 100 ans après, quasiment, la technique a évolué de telle sorte que nous avons pu détecter à plusieurs reprises des ondes gravitationnelles. Est-ce que vous pensez que l'amélioration des outils techniques, technologiques, dans les années à venir, permettra peut-être de détecter un trou de verre? Moi, je suis très conservative. Parce que, comme on a discuté, les trous de verre, pour être traversables au moins, ils ont besoin de matière exotique. On n'a jamais observé cette matière. Donc, je penserais que peut-être... Vous ne seriez pas d'accord, mais je penserais qu'il n'existe pas les traversables et ceux qui sont juste analytiques, normalement, pour les trous noirs formés par collapse, cette région de l'espace-temps n'existe pas. Que pensez-vous, Éric Gourgouillon, en deux mots? C'est beaucoup moins avancé que les ondes gravitationnelles. Effectivement, les ondes gravitationnelles, on avait de bonnes raisons de croire qu'elles existaient. On a très vite été convaincus de leur existence bien avant leur détection. Les trous de verre, évidemment, c'est pas du tout la même chose. Ça reste encore aujourd'hui beaucoup très exotique. Mais bon, faut garder l'esprit ouvert. Faut garder l'esprit ouvert ou lire de la science-fiction ou revoir des films de science-fiction. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Monica Gouguia, merci Éric Gourgouillon d'être venu au micro de la méthode scientifique. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchamp, Sarah Igemans, Mathieu Lefrançois, Dominique Guetsin, Vufranc, Eve Etienne, Elisabeth Niro à la réalisation, Alex Dang à la technique.